magic, fit magic. Chaque lèvre fait un son pour méditer. J'en profite du don que Dieu m'a hérité. En ni la haine, je sais pas si je l'ai mérité. En tout cas, elle m'aide à traverser les chemins minés. Toujours des terres dans la vie. Le bonheur, je le déterre et toi, tu souris. La vie a ses ratous et des souris. C'est que les mêmes qui marchent, le reste en cacouille. En pique et qui ça qui en poche, mais métaillopé, elle y a ce papier. Pas s'avancer, nous freiner, pas snack, pas la papier. En bis, on fait maintenant plus loin qu'il auto, même si c'est à pied. Ou peut qu'elle n'y tient moins. Fais même moi pas ni la clé. Pas j'habite chez corps et puis un dose. Enfin, c'est même du soldat qui dit qu'il capote un boss. Ouais, jamais dans le jeu des on pas j'ai fini du ou en baguette dit bon ouais. Assis pour gagner la vie. Mais tes corps pour pépasser. Si tu es au fin ou t'es un son pour pépasser. Assis pour gagner la vie. Mais tes corps pour pépasser. Ou t'es un son pour passer. Pas quitter pétasse, barré chiméon. Fais l'argent en manière pour y'a pas fait main. Toujours déterminé, on y est toujours déterminé. Vrai Batman qui a vivre ce qu'il y a pas ni l'imé, l'imé. Système n'a vini mal, donc people a adapté. Politique a des assables, que nous t'es fait qu'on nous tracte. Ça va de plus en plus mal, mais bon ça t'es amaché. Jeune plus en plus malade, plus maman l'a qu'à pleurer. Il y a seul héros et c'est bon Dieu. Mais en bas j'ai arrivé lever du bon pied. Toujours quand pour y déjà, même si c'est 10 secondes. Même si on savent qu'il n'y a d'autres problèmes dans le monde. Assis pour garder la vie. Mets tes corps pour pépenser. Si tu es au fond, ou t'es un son pour pépenser. Assis pour garder la vie. Mets tes corps pour pépenser. Si tu es au fond, ou t'es un son pour pépenser. Assis pour garder la vie. Mets tes corps pour pépenser. Si tu es au fond, ou t'es un son pour pépenser. Assis pour gagner la vie. Mets tes corps pour pépasser. Si tu es au fond, ou t'es un son pour pépasser. Assis pour gagner la vie. Mets tes corps pour pépasser. Si tu es au fond, ou t'es un son pour pépasser. Assis pour garder la vie. Mets tes corps pour pépasser. Si tu es au fond, écoutez un son pour pépenser.